en remplacement de Jacques Beauchamp, ici Alain Crevier. Aujourd'hui, l'histoire, les Augustines, pratiquement 400 ans d'hospitalité au Québec. Et quand on pense que c'est elles, finalement, qui ont créé le premier hôpital et le début des services hospitaliers et de soins en Amérique du Nord, ça, c'est assez extraordinaire. Vous venez d'entendre Thérèse Vanier, la fille de Georges Vanier, la cofondatrice de l'Arche en Angleterre. Les Augustines, nous dit-elle, ont créé le premier hôpital en Amérique du Nord. On comprend le rôle capital des Augustines dans notre histoire à nous. Mais aujourd'hui, à Québec, elles ne sont plus qu'une douzaine. Aujourd'hui, l'histoire. Les Augustines, un exemple spectaculaire de la transition d'une communauté religieuse qui a été vraiment au cœur de notre histoire. C'est un lieu en plein cœur du vieux Québec, extraordinaire, là. Extraordinaire. Premier hôpital en Amérique au nord du Mexique. Pour la mémoire, là, pour l'histoire du Québec, là, c'est extraordinaire. Je ne sais pas si on est consciente de ça. Les gens étaient en extase devant des poignées de porte. On dit, voyons donc, nous autres, on roule ça tous les jours, tu sais, c'est quoi? Mais là, on prenait conscience ils nous ont fait redécouvrir la beauté de ce patrimoine-là, là, dans le quotidien, si vous voulez. C'est Lise Tanguay, supérieure des Augustines, que vous venez d'entendre. Elle était interviewée par Jean-Robert Fauché. C'était le 18 mai 2014. Alors, c'est vrai qu'en 2014, le monastère des Augustines dans le Vieux-Québec était en plein chantier. Mais depuis, le monastère est devenu une hôtellerie, un musée et un centre d'archives. Un lieu très prisé, laissez-moi vous dire, et d'une beauté, je dirais quasiment époustouflante. En tout cas, tout ça, ça s'est fait dans le respect de leur mission fondamentale, on va dire la santé de façon générale. De sorte qu'aujourd'hui, on peut dire que tai chi, yoga, méditation côtoient les prières des quelques religieuses qui sont toujours sur place. Et pour parler de l'histoire, l'aventure des Augustines, nous recevons l'historienne Lucia Ferretti de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Elle est spécialiste de l'histoire de la protection sociale au Québec. Bonjour, Mme Ferretti. Bonjour. Alors, mais pourquoi en 1639, parce qu'elles sont arrivées en 1639, pourquoi elles débarquent comme ça en Nouvelle-France? Ah, mais je pense qu'il faut dire la première chose, c'est que la fondation de l'Hôtel-Dieu de Québec, ça s'inscrit d'abord dans le phénomène de transplantation des institutions françaises dans la colonie naissante. Et puis, bien sûr, aussi, ça s'inscrit dans le désir d'évangélisation des Premières Nations, un désir qui était vraiment caractéristique de la spiritualité française au 17e siècle. Et je voudrais dire aussi que pour préparer cette émission, je me suis beaucoup inspirée de l'ouvrage de François Rousseau qui s'appelle « La croix et le scalpel ». Mmh. Alors, comme vous dites, elles arrivent en 1639, les trois premières Augustines qui arrivent à Québec. Mais en 1639, là, ça fait 31 ans seulement que Québec exact. Est fondé. Montréal est même pas encore fondé. Et l'Hôtel-Dieu, au début, c'est une œuvre missionnaire. Là, les Ursulines, qui arrivent en même temps qu'elles, elles viennent scolariser les petites filles indiennes. Les Augustines viennent soigner les Amérindiens. Et on espère par là les évangéliser, évidemment, les franciser, les sédentariser. Mais ça ne marchera pas comme ça, parce que le projet est un échec. Tout le monde sait maintenant que les Amérindiens sont morts rapidement à cause des maladies européennes contre lesquelles ils n'avaient pas les protections. Ensuite de ça, ils résistent à la sédentarisation. Puis en 1649, 10 ans après l'arrivée des Augustines, c'est la destruction de la Huronie. Ce qui fait qu'il n'y a plus trop d'Indiens dans les environs et l'Hôtel-Dieu va devoir se trouver une nouvelle vocation. Ah, c'est ça, changement de vocation, donc, en quelque sorte. J'ai un extrait à vous faire entendre. C'est l'auteur Hervé Gagnon qui explique la particularité des soins prodigués par les hospitalières de l'Hôtel-Dieu de Montréal. Oui, je sais, c'est pas les hospitalières de Québec, mais c'est quand même, vous allez voir, là, ça nous donne une bonne idée de la particularité des soins. La vie quotidienne des hospitalières se divise vraiment en deux. D'une part, il ne faut pas perdre de vue que les hospitalières sont décloîtrées. Elles ont donc toute une série de règles à respecter au niveau de leur dévotion, au niveau du rythme de vie, au niveau de l'horaire de vie. C'est-à-dire que pour une hospitalière, et c'est encore valable aujourd'hui, hein, pour une hospitalière, le soin aux malades aborde à la fois l'aspect corporel, si vous voulez, le corps lui-même, et aborde l'âme aussi. Bon, par exemple, les règles, les coutumiers vont prévoir des prescriptions qui vont, par exemple, rappeler à l'hospitalière, à la religieuse, qu'elle doit toujours s'assurer que le malade est préparé à la mort, que le malade doit tenir compte de son salut dans sa maladie. doit l'instruire sur l'importance d'une bonne mort, autant qu'elle doit soigner son corps et tenter de prolonger sa vie avec l'aide des médecins, avec l'aide des chirurgiens, etc., etc. Elle ne doit pas, par exemple, s'asseoir sur le lit d'un patient, parce qu'il y a une proximité physique qui n'est pas souhaitable. Elle doit, par contre, être à sa disposition. Elle doit le veiller, le cas échéant. Elle doit, évidemment, l'encourager. Alors, on voit que les prescriptions d'ordre, je dirais, médical sont à la fois d'ordre médical et d'ordre moral. C'est Hervé Gagnon que vous venez d'entendre. Il parle des soins prodigués par les hospitalières de Montréal. Et c'est un extrait qu'on a tiré de l'émission « J'ai souvenir encore », 9 mai 2003. Alors, Lucia Ferretti, est-ce que c'est semblable ce qui se faisait avec les Augustines de Québec? Parce que je vous parlais de la communauté de Montréal. Est-ce que c'est pas mal semblable de ce qui se faisait Québec? Ah oui, c'est vraiment intéressant. C'est tout à fait semblable. C'est la même spiritualité, hein, la spiritualité du 17e siècle. Et puis, c'est sûr qu'à partir de 1644, quand les hospitalières se mettent à recevoir essentiellement des colons français ou des matelots ou des soldats blessés, eh bien, vont les soigner, le corps et l'âme, comme M. Gagnon l'a dit dans votre extrait. Hein. Il faut toujours pas imaginer l'hôpital du 17e siècle comme l'hôpital d'aujourd'hui. Puis bon, vous, M. Crevier, puis je pense une partie de notre public, on se rappelle tous de l'évangile de Matthieu. Hein? Ce que vous avez fait au plus petit d'entre vous, c'est à moi que vous l'avez fait. Mais c'est ça la spiritualité des Augustines. Dans le patient, dans le malade, ce qu'on voit avant tout, c'est le Christ souffrant. Et donc, soigner un malade, soigner un pauvre, c'est soigner le Christ lui-même. Et en même temps, évidemment, c'est aussi imiter le Christ dans sa charité, parce que le Christ est aussi dans les soignantes. Le Christ est aussi dans les bienfaiteurs qui rendent possible, par leur argent, les soins et puis le fonctionnement de cet hôpital. Alors, c'est sûr qu'on soigne le corps, puis d'ailleurs, pendant plus que 200 ans, le budget de nourriture a été le budget le plus important dans tout le budget de l'hôpital. C'est vrai? On nourrissait bien les malades. Puis en plus, les religieuses travaillaient gratuitement, donc il n'y avait pas de poste de salaire, fait que tout allait à la nourriture. Et puis d'ailleurs, 90 % des patients sortaient guéris de l'hôpital. Mais il fallait aussi soigner l'âme, il fallait aussi assurer le salut des agonisants. Oui. Hein? On ne sera pas trop étonné, remarquez, avec une communauté religieuse, on s'attend à ça, là, oui, en particulier. Mais là, on parle du 17e siècle, on parle du régime français. Est-ce que ça va, au milieu du 18e siècle, va y avoir un incendie qui va ravager l'hôpital des Augustines, arrivent les guerres, arrive aussi la conquête, et on se pose la question, mais qu'est-ce qui va changer sous le régime anglais qui s'amène? Ben oui, on peut dire qu'en tout cas, il y a deux grosses choses qui changent, là. La première, c'est l'entassement des Augustines dans leur monastère. Puis la deuxième, c'est qu'elles vont vraiment manquer d'argent. L'hôpital est incendié en 1755, puis il va être reconstruit seulement en 1825. Alors, ça fait 70 ans. Quand même, hein? Oui, oui. C'est 70 ans où l'hôpital n'a pas eu son bâtiment propre. Alors, on a d'abord installé l'hôpital brièvement chez les Jésuites, mais on a parlé de clôture dans votre extrait, là, les Augustines. C'est des sœurs cloîtrées aussi. Donc, rapidement, le monastère revient, c'est-à-dire l'hôpital revient dans le monastère, puis ça veut dire que les sœurs sont obligées de se tasser dans une petite partie du monastère. D'autant plus que les troupes britanniques logent chez les Augustines. Les troupes occupent une partie du monastère aussi. Donc, ça fait encore plus d'entassement pour les sœurs. Le seul avantage de la présence, c'est parce que le gouvernement colonial, quand même, paye pour le logement des troupes. Donc, ça fait un peu d'argent qui rentre. Parce qu'il faut dire que c'est ça le problème principal après la conquête, c'est le manque d'argent. Elles avaient placé, elles, en France, à l'époque de la Nouvelle-France, elles avaient placé des fonds. La conquête fait le changement de régime, fait que l'argent reste bloqué en France. Puis ensuite, c'est la Révolution française, donc l'argent reste encore bloqué. Ce qui fait que pendant des décennies, les sœurs n'auront pas beaucoup d'argent. Qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont remettre en valeur leur seigneurie pour, cultiver la terre, avoir de l'argent. Elles vont coudre, elles vont faire de la boulangerie, elles vont faire des fleurs artificielles. Elles vont accepter des nouvelles œuvres, comme les enfants trouvés, parce que le gouvernement colonial leur donne une petite pension pour les raplomber, les amener en renourrice et puis après ça, leur trouver une famille d'accueil. Et c'est à force d'ingéniosité, d'économie, qu'elles vont finir par se refaire un patrimoine qui fait que 70 ans plus tard, elles vont pouvoir reconstruire leur hôpital. 70 ans de cohabitation avec des militaires? Non, les militaires seulement pendant jusqu'en 1784, ça fait quoi? 25 ans à peu près. OK. 1825, donc le nouvel hôpital ouvre ses portes. Pourquoi on dit que c'est aussi une longue transition vers un hôpital moderne qui débute dans ces années-là? Mais d'abord, parce que la médecine évolue. Hein. On est vraiment là à l'époque des débuts véritables de la médecine clinique. Donc, les médecins sont plus souvent dans l'hôpital et en plus, ils emmènent leurs étudiants pour que les étudiants voient comment ça se passe soigner. Donc, ça, c'est un premier changement. Les sœurs, par contre, restent les administratrices. Elles vont continuer à organiser les services médicaux dans l'esprit de charité dont on a parlé, là. Et elles vont les développer, mais seulement selon leur capacité financière. Parce que l'État vraiment paye très, très peu et exceptionnellement. En 1848, finalement, à cause de ça, il y a seulement 46 lits. Aujourd'hui, on voit, c'est immense. Mais je veux dire, en 1848, il y a 46 lits. Et ça, malgré le fait que la population augmente continuellement et que chaque année, il y a des milliers d'immigrants qui arrivent dans le port de Québec et qui, après une telle traversée, sont souvent malades. Hein? Mais 46 lits. Un autre changement, bien, c'est que la médecine va s'institutionnaliser progressivement. Par exemple, le Collège des médecins et chirurgiens du Bas-Canada est créé en 1847. La Faculté de médecine de l'Université Laval en 1854. L'Hôtel-Dieu devient d'ailleurs le premier hôpital affilié. Puis en 1882, bien là, c'est l'ouverture du premier laboratoire. Mais attention, le laboratoire, je veux dire, tous les équipements tenaient sur le rebord d'une fenêtre. Là. C'est quand même petit. Mais c'est un début, c'est un changement. Dans le fond, progressif. Il y a quelque chose d'absolument fascinant dans tout ça, parce que pendant un long moment, l'idée qu'on se faisait là, dans ces années-là, c'est que sur le terrain, la santé, c'était l'affaire des religieuses. Et dans notre cas, peut-être particulièrement à Québec, je ne sais pas, peut-être Montréal aussi, on a l'impression que c'était l'affaire des Augustines. Mais là, il y a des médecins. Et vous parliez pas de professionnalisation, mais d'institutionnalisation. Il y a quelque chose qui est en train de prendre la place. Alors, la question, elle est celle-ci. Quels sont les rapports entre les médecins et les Augustines? Ah oui. Bien d'abord, les médecins, c'est vrai, ils prennent plus de place. Ils ont une emprise sur les malades, mais ils ont une emprise maintenant aussi sur les sœurs infirmières. Les sœurs infirmières doivent obéir aux directives des médecins. Bon, les Augustines restent les administratrices de l'hôpital, mais dans les salles, là, leur influence est en déclin. En plus, à partir de 1885, elles vont perdre le pouvoir de choisir les médecins qui vont travailler à l'hôpital. C'est l'Université Laval qui va choisir les médecins désormais. Alors, ben, comme vous l'avez dit, il y a des heurts. Hein, il y a des heurts entre les religieuses et les médecins parce que pour les médecins, soigner les corps, c'est franchement plus important que soigner les âmes. Mm-hmm. On peut dire ça comme ça. Hein? Il y a même comme une séparation des affaires, là, on dirait, qui se pointe à l'horizon. Oui, oui, oui, parce que la conception d'un malade est en train de changer. Oui. Là, on est rendu à la fin du 19e siècle, puis un malade, c'est devenu, en tout cas pour les médecins, un simple patient, puis parfois même un cobaye. Hein? Donc, finalement, les religieuses, elles gardent la conception du malade comme être humain qui souffre, quelqu'un qu'il faut soigner par amour, par charité. Puis je rappelle une affaire importante, c'est que oui, il faut payer le médecin, souvent avec des patates. Mais les soins, l'hospitalisation, on ne la paye pas. C'est gratuit, être hospitalisé à la fin du 19e siècle. Et c'est les hospitalières elles-mêmes et leurs bienfaiteurs qui assument les frais d'hospitalisation. Et ça, c'est pourquoi? Parce que, dans le fond, à l'époque, les riches essayent de ne pas aller à l'hôpital. Ça a la réputation d'être un peu un mouroir. C'est surfait et c'est pas tant que ça, mais quand même, il y a un fond de vérité. Mm-hmm. Parce que les pauvres attendent et tout le monde attend tellement longtemps avant de se rendre à l'hôpital que finalement, ils décèdent. Tu sais? Mm-hmm. Alors, si on a une chance de ne pas y aller, on n'y va pas à l'hôpital. Cette mentalité-là est restée très, très longtemps dans notre société et pas juste à la fin du 19e siècle. Donc, finalement, oui, c'est tous ces changements-là qu'on voit à la fin du 19e. Oui, mais en fait, on va y revenir tantôt, là, mais on peut comprendre aussi quand vous dites on ne payait pas pour les services des hospitalières, des Augustines, par exemple. Un jour ou l'autre, ça va finir par aboutir dans les budgets de l'État et on va voir quel impact ça a sur notre économie, sur les finances de l'État. Mais je veux rester sur la question de l'hôpital moderne. 20e siècle, on parle d'un hôpital moderne, mais pourquoi parler de la naissance d'un hôpital moderne? Bien, d'abord, parce qu'il y a vraiment des grands bouleversements dans la pratique médicale. Et aussi parce que les Augustines, leur place dans l'hôpital change encore. Alors, le premier 20e siècle, c'est d'abord une époque d'urbanisation accrue. Et ça, ça veut dire la dispersion des familles. Une partie de la famille reste au village, une partie s'installe en ville, une partie s'en va aux États-Unis. Bon, c'est fréquent à l'époque, ça. Et les liens familiaux, donc, se distendent et on ne peut plus compter vraiment sur la parenté proche quand il nous arrive un coup dur. En plus, bien, la santé devient un enjeu public important. Parce que les usines, rappelez-vous les films de Charlie Chaplin, rappelez-vous des images d'archives. Je veux dire, il faut beaucoup de bras pour faire fonctionner des usines dans ce temps-là. Il faut beaucoup d'ouvriers, puis il faut des ouvriers productifs, il faut des ouvriers en santé. Donc là, la modernisation, elle s'accompagne d'un changement culturel considérable. Parce que l'être humain devient un facteur de production. C'est à ce titre-là que ça devient pertinent pour la société, pour les entreprises, de consentir à ce qu'ils soient soignés. Tandis que les religieuses gardent leur héritage de idéal charitable, puis surtout leur vision de l'être humain comme un être humain complet, là, holistique. Oui, je comprends ce que vous dites. Mais parlons des transformations de la médecine hospitalière comme telle. Ben, côté scalpel, justement. Hein? François Rousseau, il dit côté scalpel. Bon, alors la période, c'est celle du perfectionnement des techniques qui vont permettre le diagnostic, par exemple les tests bactériologiques ou les rayons X. Ensuite, il y a beaucoup de moyens thérapeutiques nouveaux qui apparaissent. Moi, j'ai été étonnée, peut-être nos auditeurs vont l'être aussi, d'apprendre que dès le premier tiers du 20e siècle, on commence des traitements de radiothérapie, on fait des chirurgies intra-abdominales, il existe des médicaments de synthèse. En fait, à l'OTJ, à cette époque, la chirurgie est même plus importante que la médecine. Moi, je ne suis pas une historienne de la santé, là, mais par contre, ce que vraiment on peut dire, c'est que la médicalisation de l'hôpital s'accélère dans le 20e siècle, au début du 20e siècle, et donc ça veut dire plus de pouvoir encore pour les médecins. Mais est-ce que les Augustines s'adaptent? Ben oui, parce que c'est quand même un changement assez radical dont vous nous parlez. Là. Oui, c'est sûr, les religieuses se sont adaptées, puis ça, c'est le côté croix. Hein, du livre de François Rousseau. Alors, d'abord, comme toute cette modernisation-là, ça coûte cher. Les soins coûtent cher. Donc, maintenant, les patients, ils deviennent payants. Ça, c'est un gros changement. Parce que, avec les progrès de l'asepsie, par exemple, les riches ont moins peur d'aller à l'hôpital. Tu sais, c'est plus safe d'aller à l'hôpital, c'est plus sécuritaire. Donc, l'hôpital devient un lieu pour tous, pas seulement pour les pauvres et les démunis. Mais les Augustines, elles soignent depuis déjà, à cette époque-là, 300 ans. Dans un idéal charitable, tu sais, de soigner le Christ souffrant à travers les malades et les pauvres. Là, c'est battu en brèche complètement. La spiritualité des Augustines doit s'adapter. En plus, elles agrandissent souvent l'hôpital. Bon, elles font l'acquisition d'un appareillage qui est de plus en plus sophistiqué. Elles envoient les jeunes religieuses en formation. Les jeunes religieuses, ils suivent des cours d'infirmière, mais ils suivent des cours de pharmacie, des cours de comptabilité, de gestion. Puis, il y a plus de personnel, plus de malades. Donc, ça veut dire aussi un personnel laïque à la manutention, hein, la buanderie, tout ça. Là. Ça devient gros, là, finalement. On peut dire qu'à l'hôpital, rendu dans les années 30-40, c'est une usine à guérir. Alors ça, c'est quand même un changement important. Puis l'autre, ben, c'est que la congrégation, elle ouvre des hôpitaux ailleurs. Elle avait déjà depuis 1693 l'hôpital général à Québec même. Mais là, elle va ouvrir une douzaine d'hôpitaux dans l'est du Québec, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, en Beauce. Bon, les plus récents, là, les derniers fondés sont à Delbeau puis à Jonquière en 1955. Mais on voit encore la présence des communautés religieuses dans ce domaine. Quand est-ce qu'on voit l'État apparaître dans tout ce paysage-là? Oui, c'est vrai. On pense toujours que l'État est apparu juste dans les années 60 et 70. Ouais. Non, l'État apparaît, c'est un fait, dès la première moitié du 20e siècle. Parce que, comme on vient de le dire, ça coûte cher, là, les transformations de l'hôpital. Alors, l'État y apparaît, dans le fond, de trois manières, on peut dire. Il va payer une partie des coûts de construction des nouveaux bâtiments. Peut-être, parfois, il va se faire rembourser par les religieuses. Il va payer une partie des coûts d'hospitalisation des patients les plus pauvres. Et puis, il va réglementer le secteur des assurances privées. Parce que si les plus pauvres peuvent quand même se faire soigner grâce à l'aide de l'État, les patients de la classe moyenne, devant l'augmentation des coûts, sont obligés de contracter des assurances privées. Donc, on n'est pas à l'époque de l'assurance maladie, là. Ça coûte cher avoir une assurance privée. Les classes moyennes sont obligées de payer pour ça. Ah oui. Pour vous donner une petite idée, en 1931, on est rendu à 375 lits publics et privés dans l'Hôtel Dieu de Québec. On est passé de la quarantaine à au-dessus de 300, quand sur même. À peu près 90 ans, mais quand même, on voit que ça grossit. Oui. On le voit avec tout ce que vous nous dites. Là, fondamentalement, il y a quelque chose qui est en train de changer dans la perception qu'on se fait du patient, ce que vous nous avez raconté tantôt, mais aussi dans l'organisation de la santé quand même. Oui, c'est ça. Ça devient gérer une grande entreprise, là, gérer un hôpital, hein? C'est sûr. Finalement, la marge de manœuvre des Augustines puis des autres congrégations hospitalières, elle se réduit beaucoup. D'autant plus que, ben là, l'équipement spécialisé, ça coûte pas mal cher. C'est une congrégation religieuse, là, tu sais, ça vit d'amour et d'eau fraîche. Alors là, finalement, ça coûte cher, tout ça. Alors ça veut dire l'État, encore une fois. Et Duplessis, il faut le dire, beaucoup investi dans les hôpitaux québécois. Beaucoup de constructions neuves, beaucoup d'agrandissements pour suivre l'augmentation de la population, pour accoter les normes qui étaient les normes d'accréditation. Et puis aussi parce que les Québécois voulaient les meilleurs soins. Il n'y a pas eu de retard dans les soins au Québec par rapport à ce qu'on a pu observer dans d'autres juridictions. Mais il y a quelque chose dont on ne parle pas, mais on le sait aujourd'hui parce que ça, c'est, on voit toutes les communautés, incluant les Augustines qui, tranquillement pas vite, ferment boutique, la crise des vocations. Oui. Est-ce qu'elle n'aura pas un impact quelque part au 20e siècle dans ces années-là? Oui, c'est sûr. Là, vous soulevez un point vraiment qui est bien important parce qu'après la Deuxième Guerre mondiale, là, les vocations féminines se raréfient. On rentre dans des années où la pression au mariage est la plus forte de tout le 20e siècle. Hein. On se marie beaucoup et on se marie de plus en plus jeune. Il y a de moins en moins de jeunes femmes qui envisagent la vie religieuse. Et plusieurs de celles qui font un essai, finalement, choisissent de sortir avant les vœux. Regardez, on a eu 10 ans de crise, OK? Après ça, on a eu 5 ans de guerre. Là, on est en train de rentrer dans une période de prospérité. Qu'est-ce que les jeunes veulent? Ils veulent une petite famille, pas 8 enfants comme leurs parents, 4-5. Ils veulent une maison en banlieue, ils veulent une voiture, ils veulent le bonheur maintenant, dès ce monde. La vie religieuse attire vraiment moins. Eh oui, hein, je comprends donc. Mais justement, j'allais vous parler de la Révolution tranquille. Une des choses qui caractérise la Révolution tranquille, me semble-t-il, c'est l'étatisation de la santé. On pourrait parler aussi de l'éducation, mais dans le cas de la santé, c'est l'étatisation de la santé. L'étatisation et la masculinisation. Ça a l'air drôle à dire, mais ça fait longtemps quand même que les historiennes ont constaté qu'au moment de la Révolution tranquille, on a assisté à la dépossession des congrégations féminines de secteurs importants de la santé et de l'éducation. L'État québécois a racheté des hôpitaux dont les congrégations étaient propriétaires, ou il a repris les bâtiments qu'il avait fait construire, ou les sœurs, certaines congrégations ont donné leur hôpital. Et les nouveaux gestionnaires ont tous été des hommes, alors que ces femmes-là avaient quand même une expérience de gestion considérable. Et puis, comme vous dites, c'est l'étatisation, c'est-à-dire que c'est la loi de l'assurance hospitalisation en 61, c'est la loi de l'assurance maladie en 70, c'est la nouvelle loi sur la santé et les services sociaux en 72. Donc là, vraiment, c'est la prise en charge de la santé par l'État. Et la transformation véritablement de ce domaine-là. Merci beaucoup, Lucia Ferretti. Merci à vous. À la prochaine. Au revoir. Je voudrais remercier à la recherche Caroline Morin et André Martineau. Recherche d'archives, Mario Bolduc. Site Internet, c'est Mathieu Arsenault. Le technicien aujourd'hui, c'est Alexandre Bélanger. À la réalisation, Mathieu Beauchamp. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Alain Crevier, en remplacement de Jacques Beauchamp, je vous souhaite une bonne soirée.